Ah merde, tu l'as. T'étais parti sur cette note là, ça faisait. Merde, la 32. Ça fait. T'avais fait un truc comme ça, t'avais fait. Enfin ouais, si t'en rappelles. Sinon, on a qu'à jouer une chanson. Oh, fatigué, putain, ces semaines de travail là. Et ce soir, faut jouer l'auto. C'est vendredi 13, j'ai pas été joué, merde. Putain, gagner le pactole, on aurait été bossé.